Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. À table, il est 19h. L'Académie Fadjet. L'Académie Fadjet. Avec ce soir. Bruno et alors. Et c'est drôle de dame, mais pas tout à fait. Ah, presque. Presque. Ouais, parce que bon, j'avais prévu quelque chose que je vais être obligé d'aménager. Alors, une fois n'est pas coutume, on commence par le garçon du soir. En plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah ! Il a des multiples talents. Vous le retrouvez dans l'équipe du 94-2 du mardi, où il vous invite à découvrir des rues d'une manière originale. Mais aussi avec sa propre émission à la découverte des métiers. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et bon anniversaire. Ben merci. Pour l'entourer, Marion, l'une des voix incontournables du Shabada d'Alex. Bonsoir. Une fois par mois sur Fadjet le vendredi. Bonsoir Marion. Bonsoir à toutes et à tous. Et Maud. Maud, oui. Que l'on ne présente plus. C'est presque notre bonne copine avec ses petits billets d'humeur et d'humour le jeudi dans 94.2 Services Compris, où elle sait presque tout de sa vie quotidienne et de ce qui lui arrive tous les jeudis matins. Elle n'est pas venue seule aujourd'hui, elle est venue accompagnée de Julien. Bonsoir Julien et bonsoir Maud. Bonsoir. Eh ben bonsoir, merci pour cette belle présentation. Eh bien, aussi avec nous ce soir. Comment on me présente, du coup? J'en suis perturbé. Et enfin, celle qui vous questionne et qui nous questionne dans Destination Série depuis 3 saisons avec son Manon Série Quiz, qui vient de nous poser encore des petites questions sympas et qui va ce soir jouer à son tour. Mais je vous promets, elle ne sait pas les questions. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Voilà une équipe fort sympathique. Alors, vous savez qu'il y a un... faut gravir des marches. Oui. 40. Et une fois qu'on a gravi ces 40 marches, eh bien on a l'opportunité de fredonner une petite chanson. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Un nom d'équipe, je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir à votre nom d'équipe. Alors, j'ai demandé à Bruno un titre, mais peut-être que vous avez donné un autre titre à Souhélène. À Souhélène, donc on l'écoutera tout à l'heure. On va commencer par celui de Bruno. Alors, Bruno... Bruno, il nous a trouvé un truc. Tu veux nous expliquer un peu qui est Ramon? Ramones, ça, c'est comment? Les Ramones, c'est un groupe punk américain des années 70 à peu près. Donc, et ben voilà, une belle découverte que tu as. C'est, on commence un petit peu, c'est plutôt rock, hein. Histoire de se mettre un peu dans l'énergie. Allez, de l'énergie, une équipe qui va tout donner ce soir parce qu'il y a du level. Hein. On est quand même. Ouais, on va tout donner. Hein, ouais. C'est ça. On est venu pour ça. Allez, c'est parti, on écoute les Ramones. We'll be right back. L'Académie Fadjet. Sixième équipe ce soir sur Fadjet à 19h passé de 6 minutes. Après les durs, après les MMJ, après la Lorénade, après les Yef de Jetfa, après les Al. C'est dur. Maintenant, j'ai pris des notes parce que au début, je la faisais. Oui. Et après, j'avais complètement, il y a 15 jours, oublié que la Lorénade, voilà, je ne retrouvais plus le nom de la Lorénade. C'est donc la Lorénade, la troisième équipe. Donc, il y a comme une tradition depuis qu'on a commencé. Eh ben, c'est toujours la dernière équipe qui gagne. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, là, quand même, on est à 29 minutes 19 pour monter les 40 marches. Ah oui, quand même. Là, c'est du... Il y a du level, hein, donc, je vais vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement, eh bien, 40 minutes pour atteindre 40 marches. Pour atteindre la 40e marche, c'est facile, il suffit de répondre à des questions. 6 catégories qui rendent dommage de près ou de loin à notre station. Des questions solidarité, parce que Fadjet est un projet solidaire, alors on pourra retrouver des grands projets de la maison ou des actions de solidarité à travers le monde. Des questions insertion, parce que Fadjet a la mission de venir en aide à un public en difficulté, particulièrement aux jeunes. Bien sûr, des questions sur les émissions, des questions cuisine, parce que je le redis, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, la cuisine a toujours eu une importance capitale, ce lieu de convivialité. Il y a toujours eu des repas, et voilà, on s'y retrouve souvent, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire des questions cuisine. Des questions musique, bien sûr, parce que Fadjet, c'est énormément de programmes de musique, et des questions culture, parce que Fadjet participe aussi à des grands moments de culture, le NJP, le Jardin du Michel et tant d'autres. Pour atteindre donc cette 40e marche, l'équipe tire au sort les 6 catégories et peut choisir le nombre de marches à gravir entre des questions à 1, 3, 5 et 10 marches. 10 marches une seule fois. Les autres, après, vous organisez comme vous voulez. Arrivé à la 40e marche, l'équipe entonnera la chanson finale, comme le veut la tradition de l'Académie Fadjet, parce que l'Académie Fadjet, c'était il y a 20 ans. Eh bien, c'est le même jeu. On faisait des jeux un peu et on terminait toujours en chanson. Voilà. Très bien. Alors, atteindront-elles la 40e marche, cette 6e équipe, et qui s'appelle... La bande à Bruno. Yeah. Évidemment, la bande à Bruno. Alors ça, c'est facile à retenir, en plus. Bien, merci pour ceux qui... D'accord, Bruno, pour qu'on fasse partie de ta bande, parce que c'est vrai qu'on t'a pas posé la question. Oui, tout à fait, oui. Merci. Le consentement est quand même très important. Ah bah, tout à fait. Voilà, Bruno qui aussi... Alors, ça pourrait être une question, hein, ça pourrait être une question qui a des talents de pâtissier, parce que Bruno a fait... c'était pour les... 40 ans. Les 40 ans. Oui. Oui, une partie des 40 ans, un gâteau, le gâteau de Fadjet. Alors peut-être qu'il en refera encore un. Peut-être pour le 18, pour, le 18, hein. Pour la finale. Pour la finale. La commande est passée. Qui entre autres, voilà, 18, la finale de l'Académie Fadjet et en même temps la fête de Noël de la radio. On vous en parle déjà depuis quelques semaines. Ça y est, 19h10, on est dans les temps. On va mettre en route le chrono. Et c'est parti donc pour la bande à Bruno. 3, 2, 1, je tends, comme c'est je parti. Le fais maintenant depuis plus d'un mois. Un mois. Et honneur à celui qui est le chef évidemment, de bande. Évidemment. Une petite question qui sera la première. Allez Bruno. Une question. Solidarité. On a un question. Temps de... Est-ce solidarité. Que nous avons un temps de concertation avant la... Oui, vous organisez comme vous voulez. Très bien. Et puis après, vous avez un peu d'aide aussi, parce que comme à chaque fois, il n'y a pas de raison que... Voilà, hein. Tout le monde dit, mais oui, tu les as aidés. Mais je dis oui, mais j'ai aussi aidé ceux de la semaine d'avant, comme j'aiderai ceux de la semaine d'après. Alors, c'est une question solidarité, mais aussi une question émission. C'est un peu sur les deux rayons. Quelle émission sur Fadjet vous donne aussi l'envie de devenir un héros? Oh là là là là. C'est pas forcément simple, mais c'est... Une émission solidaire, du coup. Une émission, voilà, un peu solidaire, qui est... D'ailleurs, oui, qui est... Je pense qu'il n'y a pas d'autres émissions sur Nancy qui traitent de ça. Qui nous donne envie d'être un héros? Ouais. Alors, on peut être un héros. Comment on peut être un héros? Quelle manière? Environnement? En ayant des pouvoirs. Ouais, oui. Mais pouvoir de quoi? Oui, c'est pas mal. Des pouvoirs de quoi? Un héros, il fait quoi? Il sauve. Il sauve le monde. Sauve, Marion. Voilà, on est sur la bonne voie. Mm-hmm. Alors, un héros sauve. Sauve. Une émission qui sauve. C'est une émission. On peut poser des questions ou... Oui. Est-ce que c'est une émission hebdomadaire? Non. Mensuelle? Oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, presque. On va dire, mais irrégulière, on va dire. Régulier. Mais qui vient régulièrement. Qui vient régulièrement. Alors là. Je crois qu'on démarre pas bien, là. si, mais continuez sur le... Sauve. Voilà, ça c'est... Sauve. Le mot... Il y a sauve dans le titre de l'émission? Non. Non, mais presque. Non, mais il y a... Il y a l'idée. Il y a l'idée. Il y a le côté alors, accompagnement. Sauve. Quand on sauve, on fait quoi? Où c'est qu'on peut trouver des sauveurs? En médecine. Oui. Les pompiers. Ah, médecine, oui, les pompiers, ouais. Mm-hmm. Sécurité civile, enfin, il y en a plein. Ouais. De par un métier. Maître nageur. Est-ce que c'est de par un métier? C'est aussi... oui, c'est un tenant à un métier, oui. Mais de quoi pourrait parler l'émission? Du côté médical? Non, santé peut-être? Santé, c'est sûr. Santé, c'est sûr. Sauver... C'est pas l'émission sur les dons, le don du sang, là? Ah, j'ai vu. Ah, moi aussi, j'ai vu aussi, sur j'ai le vu visage. Un sourire, un sourire. Sur le visage, j'ai eu un truc là. Brubru, t'es en bonne voie. Continue, Brubru. Je sais plus comment elle s'appelle cette émission-là. Ah, oui. Le don du sang. Ouais. En lien avec le SA. C'est ça, c'est en lien ça. Mais comment s'appelle l'émission? Le don de soi ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. T'as pas la grille des programmes? Je ne connais pas. T'es presque ça. Réfléchis, t'as dit. Le don, c'est le don quelque chose. Chose avant. Donner. En plus, c'est un jeu de mots, le truc. Ah. Oui, c'est. Mais ça m'échappe totalement. Je sais pas si. Concentre-toi, Bruno. Qu'il l'ait pas dit. À don de soi. Don de soi. C'est pas don. Ça, c'est pas don. Ah. C'est pas don. Bon, alors. Si. Ah, c'est don. C'est don. Il y a don dedans. Mais avant, il y a quelque chose. Le sang. Sang du don. Sang don. C'est le du don. Oh, je sais plus. Non, franchement, ça m'échappe. Ça va me revenir quand on va me le dire, mais là... Bah alors, on dit quoi? Parce que là, on perd du temps. Hein. Le... Parce que... Il y a un jeu de mots, effectivement, quand on va, effectivement, donner son sang. Oui. On prend du... Du temps. Du temps. Le temps du don. Le tendon. Le... Oui, c'est ça, le temps du don. Ah, oui. Parce qu'effectivement, on prend de son temps pour donner son sang. Oh, d'accord. Tu avais raison, Bruno. Bravo, il y a effectivement un jeu de mots là-dessus, le temps du don. Excellent. Et voilà. C'était donc une question à combien? 5 points. Oui. 5 points, effectivement. Pour savoir comment sauver des vies, Christophe et Dominique vous donnent rendez-vous sur Fadjet premier vendredi du mois à 12h30 et en podcast sur Fadjet.net. D'accord. Ils prendront le temps d'un don du sang pour recevoir un invité et vous partager toutes les informations nécessaires pour vous donner l'envie de devenir aussi un héros. Très bien. C'est pour ça que c'est bien trouvé quand même. Hein. Parce que c'est dans le teasing. Oui. Et on parlait de pourquoi devenir un héros. Et j'ai tout à fait. Voilà. Donc, le temps du don. Parfait. Très bien, 5 points. Allez. On continue. Allez, on enchaîne. Bruno, c'est bien. Très bien. Allez. Allez. Allez, Maud, à toi. On y va. Attention. Émission. Ah. Question. Émission. On commence par les plus compliqués. Donc là, nous devons dire les points, c'est ça, Benoît? Oui. Ok. 5 points, oui. Allez, c'est parti. Ouais. Très bien. Sécurité. On est dans les émissions aussi, on est dans des émissions un peu spécifiques aujourd'hui. Quelle émission vous permet de fabriquer des bouillettes? C'est le truc sur la pêche, là. C'est une émission sur la pêche. Bruno. Voilà. Bruno écoute Fadjet 24h sur 24. Oh là là, mais ou alors il a bachoté avant de venir. Non, mais j'adore. J'ai entendu la pub il n'y a pas longtemps pour cette émission-là. Mais alors et des bouillettes, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est des bouillettes? Des bouillettes, c'est un appât pour que tu mettes dans l'eau. Et on a des points bonus là, non? On sait ce que c'est. Mais j'adore. On dirait qu'il a fait ça toute seule. Ah, mais c'est clair. Alors, la semaine dernière, j'avais comment. C'est un principe, quelque chose pour pêcher la carte. J'avais Yves. Alors Yves, oui. C'était pas facile. Hein. J'étais sûr que Yves. Mais Bruno, bravo là. Mais bravo. Presque ouais, bravo, Bruno. Alors, comment elle s'appelle l'émission aussi? Va je ne sais pas. Là, mais on va trouver. La pêche est à nous. Alors, c'est à nous, ouais. Non, il y a encore un petit jeu de mots là. Ils aiment bien sur Fadjet faire des jeux de mots. Un petit jeu de mots. Une mec poisson? Non. Non. Nous avons la pêche quand même dans le. Il y a pêche dedans. Non. Ouais. Non. En d'accord. Carpe peut-être non. Non. À la pêche au moule? Sardine. Alors si t'as entendu la bande annonce, t'as forcément entendu. Oui, mais on pêche avec quoi? Avec une canne. Canne à pêche, oui. Aussi, mais si on détaille la canne à pêche. Oui. Du fil, un hameçon. Avec du fil. Alors sur le fil. Au fil de la pêche. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. C'est ça. Oui. Ah, bravo. C'est Manon, hein, c'est ça. Oui. Manon, c'est parfait. Voilà, c'est un incontournable de la pêche à la carpe, la bouillette, effectivement. Ah, mais Bruno, bravo, ouais, par contre, bravo. Hein. Mais j'adore. Une petite bide à pas, disponible dans le commerce, mais aussi facile à préparer soi-même. Ouais. Voilà, avec de la farine, des céréales, de l'œuf, on y ajoute aussi des arômes, des épices, voire des colorants, sucrés ou carnés selon la saison. Et elle permet d'attraper les carpes. Très bien, bravo, super. Bah dis donc. On est chaud là. Bravo, bravo, bravo. Allez, on continue. Allez, on continue. Donc, 10 points, on est à 10 marches. Hein. Oh là. Olé. Olé. Allez, Juju. Allez, Julien. Hop. Musique. Une question. Question musique. Et quelle question mettrait 10 points? Oui. C'est. Celle-là. Bah, j'ai envie de dire c'est celle-ci, non? J'allais dire la même chose. Bah, allez, ça part. Autant. On est sûr de ça? Allez. Mais non, bien pas sûr. Du tout. En fait, la question musique, à chaque fois que j'écoute l'Académie Fadjet, elles sont hyper compliquées. C'est vrai. Mais peut-être que c'est pas pour que je la bonne cuisine. Mais facile, c'est là, il y avait de la musique, mais comme ma clé a bugué, il n'y aura pas de musique, mais vous trouverez sans ça. Bon, ok. C'était pour la réponse, la musique, donc. Ok. En plus, je pense que encore Bruno, là-dessus, il pourrait être bon. Mode. Allez, on essaie, vas-y. Ah bah, oui. Quel? Enfin, par contre, je connais pas vos goûts, c'est pour ça. Je le prends très bien, ne t'inquiète pas. Voilà. Quelle chanson de Queen? Oui. Commence oui. par Is This a Real Life? Ah, oui. Bohemian Rhapsody. Ouais. Mais oui, bravo. Oui, mais ouais. Ah, c'est oui. Tout à fait évidemment, ça. Évidemment. Je suis là pour vous, moi. Je suis là pour vous. J'adore. Voilà, donc vous auriez pu entendre un petit bout du début en rage de Bohemian Rhapsody. This is the real life. Marion. It's just fantasy. Voilà. Bon, bah, c'est voilà. Bien. Un tout petit bravo, bout, l'ami. Mario, Manon. Parfait, nous sommes donc à 20. On est déjà à la moitié. Oh là là. Mais j'adore. Et combien de minutes ce jeu? 5. Oui. Alors là. Merci, merci, Swell. Ah, super. C'est sûr que. Elle est belle cette chanson. Elle est très belle cette chanson. Mais on perd pas trop de temps. Hein. Non, oui, d'accord. Ah, ok, on continue. Je veux pas vous. C'est très bien. Allez. Allez, Marianne. Marion. Allez. Il reste quoi? Culture. Ah, une culture. Au pétard. Au pétard. C'est une question culture. Mais c'est pas 5 points, non? Oh, oui, oui. Ah, oui, bah ouais, moi j'ai pas de culture, les gars. Autant mieux n'importe vous quoi. Aider. Allez. Question. Quelle émission de divertissement fête ses 20 ans cette année? Oh. Sur Fadjet? Alors. Non. Ah, d'accord. Donc là, c'est vraiment. C'est une question. C'est la télé. C'est à la télé. C'est pas N'oubliez pas les paroles. Est-ce que si on dit une mauvaise réponse. Oui. Non, on ne perdait pas okay. les points. Mais on peut pas retenter. N'oubliez pas les paroles. Genre, si on a une mauvaise réponse. 20 ans. Culture. Non, divertissement. C'est du culture, une émission de divertissement. Non, divertissement. Est-ce que c'est sur France 2 non. Attends, c'est rien. Non, c'est pas sur France 2. TF1 est-ce que c'est sur TF1? Ah ouais, mais si vous les faites tout. Ah oui, non, mais c'est pour ça le pauvre. Non, maintenant. Alors, c'est pas sur TF1. Là, maintenant. Ok, donc c'est sur France 2. Hein. C'est pas non, sur le service public et c'est pas sur TF1. Alors là, je vous ai tout dit. Hein. C'est pas le service public? Ah oui. Ça n'existe plus, ça. Big deal? Car c'est revenu sur TMC, là, ou RMC, je sais plus. 20 ans de Big Deal? Ouais. Le divertissement. Il y a plein de vieilles émissions qui reviennent. Attends, 20 ans, avec La Roue de la Fortune. 2005, oh, les années 2000, 20 ans, 2005. Ça, 20 ans. C'est pas la star. T'étais pas née, toi, Manon. Non. Ah ouais. Il a dit que c'était pas la star. Non, c'est pas pardon, c'est pas la star. Moi, ça m'a surpris aussi. Parce que j'imaginais pas qu'elle avait 20 ans. Cette émission-là. Émission de. Je suis sûre qu'on l'a déjà vu passer. Qu'est-ce qu'il y a comme émission de divertissement à la télé? Il y en a plein. Eh ben, meilleur pâtissier. Incroyable meilleur pâtissier, ouais. Mais incroyable. C'est voilà, creusé sur la chaîne là, par exemple. Voilà, M6. Incroyable donc, talent. Ah, voilà, M6. Donc. Ouais, incroyable talent, nouvelle star. Une émission de divertissement. Star, des agents immobiliers là. L'amour est dans le pré. Ah, ah. Attends, l'amour est dans le pré. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Oui. C'est pas mal ça, moi je trouve. Ah, mais oui. Et... Là, t'es illisible. Avec la clé. Non. Je dis rien, là, parce que... Est-ce que c'est pas ça? Je dis rien, moi. Je sais pas, elle a une tête bizarre. Faut qu'on valide, il faut qu'on bloque les paroles. Oui, il faut que tu bloques la réponse. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, elle a été dite autour de la table. Elle a été dite. Donc, l'amour est dans le prix. Moi, j'aurais dit l'amour est dans le prix. Ouais, moi, j'aurais dit. 20 ans, ça me paraît pas mal. Ouais, vous êtes sûr? Ouais. Non, mais on bloque cette réponse, quand même. Ouais. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Je sais pas si c'est ça. Allez. Ouais, vous êtes sûr? Oui! Je peux pas faire mieux que dire, vous êtes sûr! Bah, hein, ils ont bloqué! Ils ont bloqué! C'est pas ça! Mais ça a été dit, donc on a dit quoi? Incroyable talent! On a dit incroyable talent, on a dit nouvelle star, meilleur pâtissier. Meilleur pâtissier. Incroyable talent. Incroyable talent, peut-être. Hein. Ouais, incroyable. Bah, talent. C'est possible. Ouais, je sais pas. C'est, en plus, c'est Bruno qui a dit incroyable talent. Hein. Oui. Donc, c'est comme par hasard. Donc... Quand le chef parle. Incroyable talent! Donc, voilà, le chef, talent. Il a aussi bloqué tout à l'heure les hein réponses. Non, il n'a pas bloqué. Eh, hey, Sue Ellen, avec nous ou pas? Je suis avec personne. Non, non, elle essaie de faire le juge à peu ouais, près. Mais... Oui, mais tu sais, il perd du temps en même temps. Hein, tu incroyable sais, talent. Voilà, donc, ouais, non, on a une lumière là, incroyable talent, c'est pas mal. Ouais, incroyable oui, alors vous bloquez ça? Oui. Le bruit. Bon, Sue Ellen, t'en penses quoi? Ah, j'en sais rien. Bah, c'est ça. Oui bon, bah, non, j'aide plus. Hein. Ça y est. Ouais, avez... là, on a eu beaucoup d'aide quand même. Merci. Merci vos jokers. Allez, Manon, à toi. Insertion. Insertion. Question insertion. 5 points, du coup. Ah, évidemment. 5 points, évidemment. Donc, on est à 25. Quelle est la particularité des courses de la Saint-Nicolas cette année? Alors là, on est dans l'actualité. Elle n'a pas le même parcours que d'habitude. Oui, certainement, mais bon... Oui. D'habitude, elle passe devant chez moi, elle n'est pas là. C'est pas la réponse que j'attends. Elles sont faites pas le jour de la Saint-Nicolas. Non. Non. Ah, c'est pas la date qui est importante. Mais si, c'est le week-end de la Saint-Nicolas, oui. Oui, je crois. Mais non, elle vient d'être faite, je crois. Non. Hein? C'était pas là cette semaine, la course de Saint-Nicolas? Alors, c'était cette semaine pour les écoles. C'est dimanche. C'est dimanche. Un ami, parce qu'on va téléphoner à David. Alors, c'est passé sur Fadjet, il y a eu un... C'est passé dans l'actu... Ils dansaient tous d'ici et Nancy et ailleurs. Ils dansaient tous sur la place. Ah, ils étaient tous habillés en Père Noël en plus. Oui. C'était déguisé. Faut être déguisé, ouais. Faut être déguisé. Eh oui. Je me demande si c'était pas ça, il y avait le Père Noël et tout. Oui. Pardon, mais est-ce que c'est pas un truc habituel? Ils sont jamais déguisés dans la course de Saint-Nicolas? Aucune idée. Bon, c'est pas ça, visiblement. Je sais pas, moi, je ne dis plus rien, j'ai dit, donc... Oh. C'est vrai que l'échauffement plastel, ils les voyaient sur la Bible. Oui, oui, oui. Tous habillés en après, Père Noël, enfin, sur la thématique des fêtes de Noël. Ah, là, on est sur la bonne voie? Ah non, peut-être plus. Et même l'échauffement pour la course des écoles, et ben c'était plus sympa que d'habitude et bien dynamique. Non mais c'est vrai. Donc ça c'est bien en musique. Non, c'est pas un indice. Je pense pas ça non plus. Mais bon après voilà, est-ce que ce serait exceptionnel qu'il soit habillé en Père Noël? Je suis pas sûr qu'il soit tous les ans habillé en Père Noël. Il y a peut-être l'effet Nicolas, tu vois, du reversement. Il y a la course des Pères Noël aussi. Des pères et mères Noël. Ouais, c'est insertion le thème. C'est insertion. C'est pour ça. Bien, voilà. Donc il y a un côté quand même insertion. Ouais, un côté un peu inhabituel. En fait, il faut penser à qui court. Chaque participant devait emmener un enfant avec lui. Voilà. C'est quoi le but? C'est quoi la course en fait? Qui c'est qui court? Il y a des enfants. Ouais, mais aussi des adultes. Des animaux. Des âgés. Des animaux, je ne sais pas. Des animaux, ça peine pas. Voilà, en fait, c'est ça. Je savais pas que je l'avais dit à voix haute. C'est la course des animaux. c'est tous les ânes. Après, il y a peut-être aussi des éducateurs ou ouais, des. Mais il y a aussi des A. Des artistes. Mmh. Des A. Des ados. Des asthmatiques. Des athlètes. Des asthmatiques. Des as. Des as. Association Marion, oui. Bravo Marion. On avance, c'est pas gagné. Pas ça. Non, pas du tout. C'est non. Pas gagné du tout, ça, je crois. Donc voilà, je vois peut-être. Fadjet a participé. On va pas perdre trop de temps. Bah, oui, si vous avez aucune idée, vous avez vraiment aucune idée. Non, non, là franchement non. Bon alors, on écoute la réponse. Il y a une réponse. 46. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai pas de. Ouais, j'ai pas d'idée. Association. Pour que cette journée soit une réussite, quel message vous aimeriez qu'il soit véhiculé lors de cette journée? Je voudrais surtout qu'on puisse voir que les fidèles et que les jeunes s'engagent et courent pour l'Église, en fait, que c'est pas quelque chose de caché, que on a envie de courir pour notre Église, de la faire vivre, et que ça passe aussi par la collecte financière, parce que il faut bien que vive notre Église. Merci beaucoup, Agathe. Rendez-vous, que vous soyez supporter ou coureur, le 30 novembre à Nancy, et n'hésitez pas à aller retrouver d'autres informations sur le www.catholique-nancy.fr. Merci beaucoup, Agathe. Non. D'accord, l'actualité annoncée très bien. Ailleurs. Non, on l'avait pas. En fait, c'est la première fois que le diocèse décide d'organiser en fait le denier du culte. Ils vont récupérer en courant, ils vont solliciter les gens pour donner pour le denier du culte. D'accord. Okay. C'est la première fois que ça. Ouais, effectivement. Lors de la course de dimanche, du coup. Lors de la course de dimanche. D'accord. Alors, on peut courir avec des dossards, c'est-à-dire composer une équipe. Oui. Donc là, il fallait le faire avant. Et il y a aussi tous ceux qui seront pour supporter cette équipe-là et qui pourront aussi récupérer les dons. Bon, voilà. Très bien. Et c'était sur Fadjet qu'on a eu effectivement cette. Cette... Pas de regret, on n'aurait pas. Non, sans regret. Allez, on continue. On lâche pas. Il en reste plus qu'une. Hein. C'est cuisine. C'est cuisine. La question. Allez, cuisine. Ah, parce que je tire même pas au sort. Question cuisine. Qu'est-ce que le batch cooking? Ah, c'est le fait de préparer son repas, en fait, de préparer divers repas. En fait, On appellerait un atelier cuisine. Oui, ou c'est de plein en même temps, et puis tu congèles et tu fais des portions. C'est ça. Toute ta semaine. Pour la semaine. Tu prépares à l'avance, ouais. 53. Alors, 53. C'est des petits codes entre. Ouais, je vois, ouais. C'est la réponse, du coup. Ouais. Cette façon le dimanche de prendre une heure de votre temps au lieu de regarder Walker Texas Ranger et de pouvoir préparer un tas d'ingrédients pour votre semaine dans des tupperwares que vous allez pouvoir vite ressortir pour vous constituer votre repas du midi ou du soir de façon facile et équilibrée. Et surtout, c'est ce que tu fais, Marianne, finalement. Je note ma liste de menus pour toute la semaine. Ouais, effectivement, c'était une bonne réponse. Bravo, Marianne. Et c'était... Mais avec Bruno. C'était Gaëtan qui... Gaëtan qui est sur les matinales avec moi. On a reconnu la voix de Gaëtan. Pardon, je n'ai pas reconnu. D'accord, oui. Gaëtan, oui, c'est l'équipe du mardi avec toi. Effectivement, qui nous donne ces petites recettes. J'adore. C'est d'une praticité. Ouais. Moi, je connaissais le fait. Oui. Je connaissais qu'on pouvait préparer, mais je ne savais pas que ça s'appelait le batch cooking. Moi non plus, oui. Pourquoi mettre un terme anglais sur... Très à la mode, ces temps. Bah, t'appellerais ça comment en français, Bruno? Préparer ses repas d'avance. Alors, moi, je fais du préparating de repas d'avance. C'est vrai que ça sonne mieux le batch cooking. Ouais, c'est vrai, ouais. J'appelle ça faire mon atelier cuisine. Oui, c'est alors, bien aussi. Allez, Bruno, on repart. Allez, Bru. Oh, bah. Nous sommes à combien? Solidarité, 30. On a l'impression que... Solidarité, allez. 30. Deux questions et on est bon. Question solidarité. Ah. On a les plus compliqués. Qu'est-ce que SOS Samaritain? Samaritain, c'est quelqu'un qui vient en aide aux autres. Ouais, et il n'y a pas Sacha qui est venu dans une émission pour présenter ça, et c'est une aide aux animaux pour le coup. Non, toujours pas. Vous avez vu que je voulais placer les animaux. Oui, on a partait compris. Bien, puis à un moment, ça dérape. Alors, Sacha, tu avais raison, je pense. Au vu de Benoît, je pense que c'était Sacha. Il n'y avait rien à voir avec les animaux. Pourquoi les animaux? Je ne sais pas, j'ai envie de le placer. Il y a une thématique, il y a quelque chose avec les animaux, là. Il y a un pari entre vous, il faut qu'on passe autant de fois animaux. Mais c'est ça. Ah, pas du tout. Attends, est-ce que le début, je suis bien? Bah, ça partait bien, ouais. Ah, elle est sympa. Ça part bien, puis ça dérape. Parce qu'en plus, enfin, remplace animaux par être humain. Mon SOS Samaritain, donc une... oui. C'est quoi? C'est pour aider les animaux, sauver les animaux, c'est ça, c'est ça? Oui, c'est pas ça. Non, mais non, mais allez-y, foutez-vous de moi. Mais non, pas du tout. Non, pas du mais tout. Comme disait Bruno, un Samaritain vient en aide aussi, enfin vient aider. Animaux, j'aurais plutôt mis ça François d'Assise. Mais... Oui. Bah, écoute, je sais pas. Est-ce que j'étais aussi bien dans Samaritain. Un représentant est venu présenter SOS Samaritain, non? Oui. Ah. C'est ça. C'est pour ça que je dis, ça part bien, puis ça dérape. Sans jeu de mots, sans attaque personnelle. Ah, oh, alors attends. Donc ça veut dire peut-être dans ton émission. Ah non. D'accord. Non, est-ce que c'était dans l'émission ici? Ne reçoit que les animaux. D'ailleurs, je crois que c'est Karen. Est-ce que oui, c'est Karen, voilà, tout à fait. Est-ce que c'était dans l'émission et si on parlait de vous? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ah, oui. Est-ce que c'est Sacha? Mais oui. Bah alors. Bah oui, mais. Mais c'était pas les animaux, Bibi. C'est incompréhensible. Pour, si t'as tout, mais pour, dans ce cas-là, tu dois le savoir. Si t'as entendu ouais. Sacha, si t'as entendu. Bien sûr. Parce que je vois l'affiche, c'est l'émission d'Yannick, c'est ça? Oui. Voilà. Mais c'est pas j'ai possible. J'ai tout. Non, mais là on commence à engranger Yannick, les points, Yannick, là, s'il vous plaît. Yannick, il sera avec nous la semaine prochaine. Si jamais, là, il est en train de rentrer chez lui, maintenant, il enregistre peut-être son émission. Bon, enfin, s'il écoute ça, il doit être mort de rire. Et elle oui, a tout, en fait, elle a tout sauf. Et il s'appelle Sacha, oui. Il habite à Lubecourt. Je ne sais pas là. C'est le voisin de mes amis Ben et Charlotte. J'ai alors, toutes c'est... les infos. Mais, sauf attends, celle qu'il faut. Alors, SOS Samaritain, c'est quoi? Pour aide aux SDF, non? Déjà, SOS. Oui. Qu'est-ce que ça peut être? Il est venu présenter quoi? Et donc, tu l'as entendu. Forcément, il n'a pas arrêté de parler de ça. C'est dingue. C'est une aide. Oui, c'est une aide. Alors, une aide pour quoi? Est-ce que c'est quoi un Samaritain? Oui, bah, c'est quelqu'un qui va donner peut-être de l'aide physique ou qui va aider vraiment oui, alors, les personnes en difficulté. Ou personnes en. SOS. Quand on fait SOS, c'est. Bah, c'est vraiment le secours, premier secours. Maud, s'il te plaît. Non, mais parce que. Non, je me retire de la délibération. Premier secours. Oui, alors c'est quoi SOS Samaritain? Un dépannage. Une association? Ambulance. Non. Qu'est-ce qu'elle a sur son téléphone? Une scroll. Une application? Oui, c'est une application pour... C'est une application pour aider les gens. SOS Samaritain, trois voilà. Niveaux d'alerte. Ah, d'accord. Trois niveaux d'alerte. Ouais. Ah, mais oui. Il va nous expliquer. C'est, pardon, 52, excuse-moi. SOS Samaritain, vous allez entendre Sacha. Mince, c'était pas ça que je voulais. Moi, je suis en train de me balader dans la rue. Je sens que, on va prendre un cas malheureusement classique, hein. Je sens que je suis suivi. Je commence à avoir un peu peur. Qu'est-ce que je fais? Tu peux. Alors, il y a plusieurs solutions. Si tu peux déjà appeler le 17 secours, tu te sens vraiment en danger. Ouais. Mais tu peux également donc prendre l'application. Tu as donc trois graduations. Ouais. Le coup de main, le danger et vraiment le danger absolu. Pas parler. Et donc ça c'est un petit clic qu'on fait sur l'application. C'est un tout petit clic. Et toi, ça intervient, ça arrive où? Sur les téléphones des gens à proximité. À proximité. Alors on a une distance. On a une graduation. Mmh. Tu vois de 500 mètres à 20 km. À 20 km. Les gens si c'est les gens qui décident. Okay. Les gens qui décident. C'est bien. J'ai fait le raccourci parce qu'en fait, Sacha adore les animaux et il a beaucoup de chiens, de chats, de beaucoup d'animaux de compagnie. Et donc, j'ai fait le raccourci. Voilà, veuillez m'excuser, mais est-ce qu'on n'aurait pas un peu de points quand même? Parce que j'ai donné. Si. Bah, oui, vous avez perdu beaucoup de temps par contre. Oui, hein, mais oui, effectivement, on valide la réponse puisque au bout d'un certain temps, vous avez quand même trouvé. Mais c'est marrant. Parce que. Donc, c'est un peu lunaire, c'est vrai. Tu vois Sacha en fait, mais c'est pas du tout ça en fait. J'avoue, quand elle va revoir Sacha, elle va plus voir Sacha différemment. C'est Sacha. Tu vois Sacha et ses animaux, c'est pas du tout ça en fait. Ok. Allez, vite, on perd pas de temps. Oui, allez, on y va. Ça part. Attention, ça va, ils sont dans les la dernière là, du coup, si on l'a. Culture. On est à combien là? 35 35. Allez, culture. Culture, la dernière. Une question. Allez. Peut-être. Culture. Ah, ça peut le faire vite. Qu'est-ce qui commence le 22 novembre pour 15 jours? Le 22 novembre? Qu'est-ce qui a débuté la semaine dernière pour 15 jours? Ah, le Black Friday. Juju, vas-y. Ouais, le Black Friday, oui. Non. Non, c'est aujourd'hui dans le Black Friday. Enfin, ça s'est commencé depuis bien longtemps. Mais la date au Russe. Eh ben, non, pour 15 jours. Allez, à 22 novembre. Allez, on fait un peu de calcul mental. 22 plus 15. C'est là. Pas le marché de Noël ? Non, ça dure plus longtemps. Jours. Ouais. 22 plus 15. 22 plus 15. Ils sont dans les temps, Benoît. Ils sont dans les temps. 22 plus 15, bon. Ça fait combien ? Ça fait le 6 décembre, ça, non ? Ah, ça fait le 6 décembre. Saint-Nicolas ! Alors ? Les festivités de Saint-Nicolas ? Oui. Ouais. Le marché de la Saint-Nicolas. Non, ça dure plus que 15 jours. Ouais, jusqu'au 4 janvier. Alors, le 6 décembre, et ça commence le 22. Qu'est-ce qu'on peut faire avant quelque chose ? Le calendrier de l'Avent de la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, mais qu'est-ce qu'on fait à la Saint-Nicolas ? On fait la Saint-Nicolas ? Je sais. C'est ça ! C'est le calendrier de la Saint-Nicolas. Mais c'est pas possible que ça existe ! Mais oui ! Mais il a dit jamais entendu parler de ça, mais non. Mais oui. Et ben vous allez à l'office du tourisme de Nancy et vous avez c'est le nouveau. Calendrier. Mais c'est pas possible. Mais c'est génial. Donc c'est 15 jours avant oui, la raison Saint-Nicolas. Je l'ai vu passer. C'est en attendant la Saint-Nicolas c'est depuis. Super. Et le pire c'est qu'il a dit ça au pif. Oui, maintenant qu'il en parle, je l'ai vu passer. Ça vaut 47 euros d'ailleurs. Ils sont assez formidables. Ils sont... On a toutes les infos, s'il vous plaît. Excellent. Excellent. Ah, bravo. Voilà, donc vous êtes à la 40e marche. Il est 19h37. Alors, je sais pas. On va voir. Hein. On ne sait pas trop. On va regarder. Je sais pas moi qui est lors de le chrono. En tout cas, vous avez atteint la 40e. Oui, bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, c'est assez marrant. C'est de manière assez disparate. Bon, on remerciera tous les animaux qui nous écoutent. C'est nous les autres. Un très très bon moment. Zootopie, d'ailleurs, le film qui est sorti. D'ailleurs, voilà, on prend une petite pensée pour Zootopie, si vous allez avec vos enfants ou même vous-même, parce que c'est vraiment un super film à voir en famille. Allez, on va passer une musique. Tu as la musique qu'ils ont choisie. Donc, on va, avant de vous faire chanter, parce que vous avez droit à une chanson maintenant. Génial. Bien sûr. Et donc, c'est le choix de. De Maud, non ? Ah oui, c'est moi. Oui, tout à fait. Oui, il faut, on annonce la chanson. Eh bien, nous allons donc écouter un titre de Santa qui s'appelle « Recommence-moi ». Ah, bah on a eu Santa tout à l'heure. Ah. C'est l'autre titre de Santa, « Recommence-moi ». Je préfère danser avec mes silences. Pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, tourne, tourne, ce sera la nôtre. Un, deux, trois, recommence. Je remettrai de l'encre sur mes paupières. Je te sourirai sans larmes et sans prières. Et s'il ne reste plus rien, oh, du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, tourne, tourne, ce sera la nôtre. Et si le temps change. L'Académie Fadjet, la chanson finale. Et oui, notre équipe, la bande à Bruno, très très en forme, très très très très prête à gravir d'autres marches prochainement. On va pas dire tout de suite le score, Swellen. On va maintenir un peu de suspense. Mais comme ils ont atteint la 40e marche, ils ont effectivement droit à leur chanson finale. Et on a voulu faire une petite surprise. D'habitude, il y a un choix de chanson habituel. Mais là, c'est un peu imposé et il fallait marquer le coup. Parce que Bruno, c'est son anniversaire. Il nous a porté chance. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Et il a quand même été sur 2-3 questions d'une rapidité. Ah ouais, tout à fait. En plaire. Magnifique. Spécialiste, les bouillettes. Spécialiste des bouillettes. Les bouillettes. Donc voilà. Le calendrier de l'Avent de la Saint-Nicolas. Oui, c'est pas possible. Et Bruno. Puis, voilà. Donc voilà. Donc pour lui rendre hommage, on va pas lui demander son âge parce que non. Hein. Alors, mais, j'ai un indice. J'ai le bus gratuit. À partir d'aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Ah, donc voilà, c'est plein de cadeaux aujourd'hui pour Bruno. Oh, j'adore. Et donc pour lui rendre un petit hommage, eh bien une petite chanson d'anniversaire de la part de toute l'équipe. Une version un peu originale. Je ne sais pas si tu la connais celle-là, mais c'est celle que les jeunes utilisent le plus pour fêter ces occasions-là. On écoute, c'est une chanson de NASA et qui s'intitule tout simplement Happy birthday. Yeah. Aujourd'hui, c'est ton... C'est... Non. Aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Ouh. Ouh. Ouh. Happy birthday. Personne ne peut... C'est vrai qu'on a loupé le départ, c'était avant. Désolé. Bon. Personne ne peut s'oublier, c'est pour... Non, je sais pas. Est-ce que tu connais cette chanson, Manon ? Un peu, mais pas sans les paroles. Bon, on a la version, on a peut-être la version... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bruno. Joyeux anniversaire. Merci. Merci. Bravo. Ah, on a la version chantée. Ça va plus nous aider. Je pensais qu'elle était plus simple. C'est pour que le ça. Rythme, ça. C'est le rythme. Pourtant, elle n'est pas compliquée, hein, mais il faut l'avoir, le rythme. Happy birthday, tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Ooh, happy birthday. Ooh, happy birthday. Yeah. Voilà, c'était directement. C'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, il faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. T'auras toute la nuit et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras encore toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Et avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Ooh, happy birthday. D'ailleurs, faudrait que tu nous donnes l'adresse, Bruno. Hein. Happy birthday. C'est toi qui es dans la lumière. Y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Champagne coule en rivière, la maman ma sœur est fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça que t'as mis dans ses prières. Pense à la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Il n'y a que la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Les gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Ooh, happy birthday. Ooh, happy birthday. Bravo, bravo Bruno. Voilà, c'est en deux temps, mais c'était mieux avec la musique en support. On était un peu trop confiants sur le démarrage du couplet. Merci pour cette découverte, en tout cas, Benoît. Parce que vous ne connaissiez pas cette chanson. Ah non, je ne connaissais pas cette version. Pas du tout. C'est plutôt, ouais, c'est les jeunes souvent qui passent ça pour les anniversaires. C'est pour ça que je ne connaissais pas. Voilà. Après, il aurait pu avoir. J'avais hésité avec Stevie Wonder. Et oui. Très bon, le titre. Non, mais t'es du Patrick Sébastien. Plus difficile. Non, non, je voulais quand même éviter Patrick Sébastien. Ok. Alors, avant d'entrer dans notre choix, celui de Marion, on fait un petit point sur les comptes. Allez Wouhou. Est-ce qu'on a des têtes? Largement. On passe en tête, Bruno. Largement. Ah ben, avec 26 minutes et 26 secondes. Mais c'est une blague. C'était à combien les autres? 29 minutes 19, je crois. C'est la bande à Brubru, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on choisit son équipe. Il y a encore deux équipes, mais réservez votre 18. Descends. Allez. Voilà, donc on gagne. Ah là, on est passé de 32 à 29, de 29 à 26. 40 au début. Et de, non, mais je veux dire, oui, les dernières, là, oui. Bon. Ils vont râler, hein, ils vont finir par râler. Hein. La Madonna. La pression est terrible sur la dernière équipe. Pour, c'est clair. Parce que là, ouais, c'est le temps, ouais. Il se raccourcit. Il reste plus que donc effectivement deux équipes. Yes. La semaine prochaine et dans 15 jours, nous terminons la dernière équipe avant la finale en présence de Saint-Nicolas. La chance. Alors voilà, ça sera peut-être Saint-Nicolas, il aurait trouvé tout de suite. Mais enfin, plus vite que vous. Enfin, ça aurait été drôle d'ailleurs, parce qu'est-ce que Saint-Nicolas connaît la réponse. Aurait su. Il y a un calendrier de l'Avent. Puis le calendrier de l'Avent, c'est pas un truc de Nancy en plus. Si, ah bah si, il est fait par l'Office du Tourisme de Nancy. On aura fait la publicité aujourd'hui. Maud nous a choisi Santa, c'est ça? Oui, mais on l'a déjà écouté. Du coup, on passe à une autre histoire choisie par Marion. C'est vrai, oula, je fatigue. C'est vrai. Pas grave, Benoît. Oui, effectivement. On a donc écouté Santa, et maintenant, c'est le choix de Marion avec donc, une autre histoire. Voilà. C'est un petit clin d'œil à notre Alex. Oui, tout à fait, qu'on embrasse. Une petite chanson que nous partageons souvent en commun. Que vous avez éliminée quand même. Pourquoi? Évidemment, mais on l'embrasse quand même, parce qu'on l'aime. Largement, parce que on était à quoi? C'était 36 minutes, il avait fait. Ah! 10 minutes de moins. 10 minutes dans la vie. C'est lui qui nous a dit allez participer à l'Académie Fadjet. Vous Alex, verrez, vous allez passer un super bon moment. J'ai insisté aussi. On le confirme. Pour que insister, Sou. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est le mot insister. Est-ce que tu nous aurais pas un peu obligé à nous libérer de nos obligations professionnelles et familiales pour participer à cette Académie? Et tu as bien fait, Sou. Vraiment, tu as bien fait. Et bravo, Benoît, parce que c'est vraiment top. Bravo. Merci à vous. Très bien accueillis. On vous retrouvera donc, j'espère, en tout cas, même si vous n'êtes pas dans l'équipe finale. Mais bien sûr, il y a deux équipes. Parce que de toute façon, le système sera fait qu'il y aura des jokers un peu partout, donc ça sera assez collectif comme finale. On vous réserve quelques petites surprises également. Allez, il y aura deux équipes au final. Il y aura deux équipes, donc, de toute façon, oui, puisque pour avoir une finale, il y aura deux... du monde dans le studio. Et ce sera en live, en public, et puis peut-être même, peut-être même des chansons et des chanteurs. Ah, ok, d'accord. Des vrais. C'est pas que je, voilà. Tu vois ce que je veux dire, oui, moi. Oui, je, d'accord, voilà, ok. Message reçu, top. Voilà. Très bien. Et donc, le choix de Marion. Merci Benoît, merci. Donc merci. Gérard Blanc, une autre histoire. Voilà. On pense, une pensée pour lui. Une belle période. Oui. C'était un beau moment. Voilà. Allez, Gérard Blanc, une autre histoire. Merci. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. J'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça encore une fois. Thank you. L'Académie Fadjet. L'Académie Fadjet avec cette sixième soirée de jeu. Vous avez passé certainement avec nous un agréable moment, comme chaque vendredi soir, avec une équipe fantastique, la bande à Bruno, qui prend la tête, comme le veut la tradition. C'est quand même assez drôle. On n'arrive pas, on se dit non, mais là, la semaine dernière, faut que ça s'arrête, la semaine dernière, on s'est dit purée, ils ont été rapides. Et ben là, ils ont encore fait pire. Enfin, mieux plutôt. Ouais. Ils ont encore fait pire. Edith, si elle nous écoute. Ouais. Edith et Yves, vous vous rendez compte que vous avez quand même battu le directeur des programmes. Oh là là, mais quelle fierté! Vous avez été bons, les amis. Bravo. C'est vrai. Bravo à vous. Bravo à vous. Donc voilà. Voilà. Maintenant, il faut en éliminer plus quoi, une ou deux. Ouais. Au moins une. Au moins une. On sabote, hein. Faut qu'on sabote. Je sais pas ce qu'on va faire, mais la semaine prochaine, je suis là. D'accord. Bon, voilà. Donc, l'émission ne peut pas avoir lieu. Ça compte pas. Ah, tu peux plus être arbitre, hein, Manon. Là, c'est fini. Non, hein. C'est vrai. Non, c'est fini. Là, oui, là, du coup, t'es passé de l'autre côté de la force. Tu disais, Bruno. L'émission ne peut pas avoir lieu dans les prochains jours. C'est nous qui sommes en finale. Ah oui, oui, bah peut-être. Ah. Les émissions. Oui, alors, il va saboter. Il y a un truc à faire. Effectivement. Oui, ça arrangerait aussi Edith et Yves. Du coup, on se retrouverait en finale avec vous. Ouais, sympa. Voilà, donc mais en fait. Tu es malade la semaine prochaine, c'est pas ça que t'as dit? Non, je suis. Tu commences là, t'as mal à la gorge. Ne va pas me porter la poisse, s'il te plaît, merci. Allez, il est 19h57. Il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. Dans quelques instants, ben, vous me retrouvez, mais cette fois-ci avec Claude 40. Et par contre, on vous retrouve, vous, eh bien, Bruno, à un petit scoop. La prochaine émission, tu nous emmènes découvrir quoi? Je vais recevoir un monsieur qui vient de prendre sa retraite, Fabrice Wisdak, pour la découverte du métier de boulanger. Oui. Oh, un boulanger! Excellent! Il était rue Rograph, et oui! Quelle belle boulangerie. Métier de mon papa. Plusieurs fois participant à notre meilleure boulangerie. Bien sûr! Ah, en plus! Oh là là. Photo avec le maire de Nancy. Maude, on te retrouve jeudi. Bah, jeudi, évidemment, avec mon billet d'humeur d'humour, je serai là. Ouais, on sait tout de la vie de. Écoutez les billets d'humeur de Maude, on sait toute sa vie, de sa famille, de ses problèmes. Les chaussettes. J'ai une vie inspirante. Ouais, c'est vrai. Il y a encore mieux pour ça, c'est de venir à un concert d'Alex et Maude. Aussi. De Maude et d'Alex, pardon. Eh ben, Alex, je sais pas ce que tu fais le 18, mais voilà, ce serait bien que tu sois là aussi. Avec plaisir, le message est passé. Julien, merci d'avoir accompagné Maude. Et donc tu vas être obligé de la raccompagner sans doute. Avec grand plaisir, merci pour l'accueil. Et ben merci Julien. Et Marion? Oui. Et ben, merci beaucoup. On te retrouve quoi, en décembre? Ah oui, le 12 décembre. Oui, tout à fait, voilà. 12 décembre. Ben, moi j'y serai aussi. Alors pas le 12, mais j'adore. Mais en janvier. Ah super. Et je peux jouer les troubles fêtes le 11 aussi, m'a dit donc, Alex. Tu feras 4 heures des. Ah mais non, en janvier non. Oui, c'est pour ça. Non, en janvier il n'y en aura plus. Non, parce que là ça aurait été difficile de faire un Shabbat d'Alex, destination série, puis enchaîner sur l'Académie. Je pense que. Et le Hot 40. Et j'aurais eu du mal. Allez. Moi, on n'a pas besoin de pas mes actions. Ah, oui, toi, on te retrouve la semaine prochaine. C'est dû à qui, c'est pour ça. Oui, non, bah, c'est sûr. Donc, dans, bien sûr, le Manon Série Quiz est dans Destination Série. Sous Hélène, eh bien, merci. À la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à vous tous. Bon week-end. Bon week-end à vous. Excellent. Bonne fête de la Saint-Nicolas avec un peu d'avance. Si vous courez, n'oublie pas. Le calendrier aussi. Allez récupérer à l'Office du Tourisme. Allez, si avec ça, on ne nous en offre pas un, ce serait bien. Allez, très bon week-end à tous. Bisous, bonne soirée. Bye. Ciao. Fadjet.